Scène 2. Nous retrouvons les mêmes personnages et entrée de Dufausset. Monsieur, il y a là un monsieur qui arrive de Bordeaux. Il vient de la part de monsieur Dufausset. De Dufausset ? C'est lui ! C'est du jeton ! Ah, mes amis, je vous en prie, faites-lui une entrée ! Songez, un ténor, c'est habitué aux ovations ! Marthe, au piano, ton grand morceau. Madame Landerneau et toi, Julie, vous allez taper sur vos verres avec des cuillères. N'ayez pas peur de faire du bruit. Toi, Landerneau, tu vas monter sur une chaise en face de moi et avec ta serviette, nous ferons l'arc de triomphe. Avez-vous bien compris? Là, allons-y. Et toi, Tiburce, fais entrer avec déférence. Chacun a pris la position indiquée. Pacarel et Landerneau montent sur les fauteuils du fond. Amandine et Julie sont à droite de la table. Marthe est au piano. Tiburce introduit Dufausset, qui est accueilli par un charivari formidable. Une maison de fous. Je me suis trompé. Il fait mine de sortir. Pacarel, descendant de son fauteuil. Eh bien, voulez-vous ? Ne vous dérangez pas. Il ne faut pas les contrarier. Continuez donc. Il aime ça, les ovations. Allons, reprenons. Le charivari recommence. Dufausset cherche à s'esquiver. Pacarel le rattrapant. Mais ne filez donc pas, est-il drôle ? Mais je ne file pas. Je ne suis pas rassuré, ils sont en nombre. Et maintenant, causons. D'abord, permettez-moi de vous présenter tout le monde. Il présente de loin tout le monde en bloc. Monsieur et Madame Landerneau, nos amis intimes qui partagent notre maison. Ma femme, ma fille. Tout le monde salue Dufausset, qui salue. Marthe, reconnaissant Dufausset. Ah, le monsieur du tramway qui m'a prêté 6 sous. La dame qui avait oublié son porte-monnaie. Est-ce possible? Dans une maison de fous. Pauvre femme. Là, les présentations sont faites. Ah, je suis content de vous voir. Dufausset va bien? Papa? Papa. Il a dit papa. Pourquoi dit-il papa? Non? Je vous demande si Dufausset... Dufausset? Ah, mais alors... Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes monsieur Pacarel? Tiens, parbleu, est-il bête? Il m'a fait une peur. Et moi qui croyais être chez des fous. Hein? Dame, c'est vrai? On vous trouve là, tous, sur des chaises, sur la table ou dans le piano. On aurait cru que vous jouiez au chat perché, en musique. On vous faisait une entrée. Plaignez-vous donc? Ah, c'était pour. Quelle drôle de façon de recevoir. Ce jeune homme m'a regardé. Comment? Vous êtes monsieur Pacarel? Enchanté. Ah, à propos, j'ai une lettre pour vous. Elle est au fond de ma malle. De Dufausset. Ah, oh, ce cher ami. Il va bien, Dufausset. Admirablement. Il va admirablement, mon père. Pourquoi m'appelle-t-il son père? Il a dû être élevé chez les jésuites. Eh bien, comment le trouvez-vous, mon ténor? Majestueux. Il a l'air d'avoir de la santé. Je le soignerai. Ils échangent leurs impressions. Dufausset est à l'avant-scène. Drôle de gens. Papa, qui est à Bordeaux, me dit hier, « Mon fils, tu vas aller faire ton droit à Paris. Mais comme je ne veux pas te laisser livrer à toi-même dans cette grande ville des plaisirs effrénés et des corruptions faciles, je t'adresse à mon vieil ami Pacarel, en le priant de veiller sur toi. Sois aimable avec lui et ne le contrarie pas. Tu verras, c'est un charmant homme. Ça, c'est vrai, il en a l'air. Je crois que je m'entendrai très bien avec lui. » Pacarel, redescendant vers Dufausset. « Ah, vous ne savez pas combien je suis heureux de vous avoir. Dites donc, vous n'avez pas déjeuné ?»« Le fait est que, depuis ce matin... »« Oh, j'en étais sûr. Vous ne voulez pas un œuf cru, une côtelette saignante ?»« Non, merci. » J'aime mieux autre chose. Quelle drôle de cuisine on fait à Paris. C'est que, quelquefois, pour la voix... Ah, si ce n'est que ça, vous savez, moi, ma voix, j'en fais si peu de cas. Tout le monde n'est pas comme vous? Je n'en doute pas, madame. Ça doit être une chanteuse. Il est un peu fin. Enfin, on vous donnera ce qu'il y aura. Je vais m'en occuper. Ah, madame, je suis confus. Monsieur? Marthe sort. Elle a rougi. Elle m'a reconnue. Elle est exquise. Mais qui est-elle, cette dame? La femme de Pacarel ou de l'autre? On m'a présenté tout le monde en bloc. Et maintenant, si vous voulez bien, à table, car nous n'avons pas tout à fait fini. Vraiment? Oh, mais alors, je ne veux pas déranger le service. Je prendrai où vous en êtes. Tout le monde s'assied à sa place respective. Dufossé prend place entre Pacarel et Amandine sur la chaise que la bonne a été chercher et lui a avancée. Ah, bien, si vous voulez. Tiburce, servez toujours un rince-bouche à monsieur. Et s'adressant à Dufossé. Comme cela, vous ne serez pas obligé d'en reprendre un à la fin du repas. Dufossé levant le rince-bouche. À votre santé, messieurs, mesdames. Hé là, attendez donc. Ça n'est pas fait pour les toasts. Marthe, revenant par la droite. Voilà, j'ai donné les ordres. On va vous servir quelque chose. Et s'adressant à Amandine. En même temps, voici le panier. Marthe dépose le panier sur le piano et regagne sa place à table. Vous savez que vous n'aurez pas d'autre logement que le nôtre. Le parc des Princes est très sain pour la voix. Ainsi, vous ne pouvez refuser. Vous serez au premier, à côté de ma chambre. Vu sur le jardin, il y a un piano. Oh, ça! Je vous préviens qu'il est à queue. Tant pis, ça tient plus place. Enfin, je mettrai mon linge. On se lève, les domestiques débarrassent la table. Monsieur, un peu de café? Très volontiers. Non, c'est excitant. Fais-lui faire un lait de poule. Mais je le déteste. Ça ne fait rien, ça veloute le duc gosier. Mais je n'ai pas besoin de velouter. Ah, ici, il faut obéir. Allons, il me met au régime. Je vais le commander. C'est cela, soigne ton futur interprète, car c'est elle. C'est cette belle jeune fille qui a fait l'opéra. Ah, Mademoiselle Garnier. Mais Dufossé a dû vous en parler. Vaguement. En tout cas, il ne s'est pas étendu. Eh bien voilà, c'est elle. Ah, j'en suis bien aise. Beau monument. Il a dit « J'en suis bien aise ». Tu as entendu? Oui. Ah, il est charmant ce jeune homme. Mieux que mon fiancé. Je vous mettrai beaucoup de fleurs d'oranger. Julie sort. Un peu de liqueur, monsieur? Oh, madame, de votre blanche main. Elle est délicieuse. Qu'est-ce que c'est? Il lit sur le cruchon. Uniadijanus? Non, merci. Ne vous inquiétez pas, c'est une vieille bouteille. À la bonne heure! Et maintenant, mes amis, je ne vous chasse pas, mais nous avons à causer ensemble, monsieur et moi. Ça se trouve bien, j'ai justement à travailler. Venez-vous, mesdames? À tout à l'heure. Tous sortent par le fond, excepté Pacarel et Dufossé.